بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 95 dans Kitab al-Kaba'ir. C'est le dernier cours aujourd'hui, donc on complète le livre. Et c'est le dernier chapitre du livre qui s'intitule Bab ma ja'a fi ukhuwati al-islam wa haqq al-muslimi 'ala al-muslim. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de la fraternité de l'islam et le droit que le musulman a sur le musulman. Et donc hier on a expliqué les deux premiers versets qui ont été mentionnés dans ce chapitre. Et les deux versets, c'était le verset 10 de Sourate Al-Hujurat et le verset 54 de Sourate Al-Ma'ida. Et donc on a expliqué ça et on complète la lecture donc de l'explication de ces deux versets. Puis on commencera par la suite, on continuera par la suite avec les hadiths du chapitre. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى إلدي وكذلك فإن من أسباب العداوة لمز المؤمنين بتنقصهم، كما قال الله تعالى والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، وهذه هي صفة المنافقين، فلقد لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله تعالى عن هؤلاء فقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وقال ويل لكل همزة لمزة. Donc le Cheikh il explique également que parmi les causes de l'animosité qui pourrait se produire entre les croyants et les malentendus qui peuvent se produire entre les croyants, c'est lorsque par exemple certains essaient de dénigrer ou de rabaisser d'autres, hein, ou de se moquer d'autres parmi les musulmans. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés, on en a parlé déjà dans les chapitres précédents. Et le Cheikh il cite à ce sujet là un verset dans Sourate At-Tawba qui est le verset 79, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants et qui font des ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent pas autre chose que leur faible moyen à offrir, et alors ils se moquent d'eux, qu'Allah les raille, c'est-à-dire qu'Allah se moque d'eux et ils auront un châtiment douloureux. Donc ceux qui se moquent des croyants qui font des aumônes volontaires, c'est une des caractéristiques des hypocrites. Et ils se sont également moqués du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 58 dans sourate Al-Tawbah, dans lequel il dit: il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqat. Hein, il se moque du messager et il le calomnie, hein, ou bien il le critique au sujet des sadaqat, au sujet des aumônes. Et s'il leur est donné, les voilà contents. Mais s'il ne leur fait pas, hein, s'il ne leur en donne pas, ou bien s'ils n'en reçoivent pas, ils ne reçoivent pas des aumônes, les voilà pleins de rancœur. Il y a des gens comme ça. S'ils reçoivent, ils sont contents. S'ils ne reçoivent pas, ils commencent à critiquer l'islam, critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce n'est pas des croyants, ça, c'est des hypocrites. Et le cheikh dit, « Wailun li kulli humazati lumaza » C'est un verset qui s'appelle Suratul Humaza dans le Coran. Et donc, ça dit, c'est une sourate, elle n'est pas longue, elle est dans les dernières sourates dans le Coran, vers la fin. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le premier verset, « Malheur à tout calomniateur, diffamateur ». Le cheikh dit, « وَمِمَّا يُؤَجِّجُ الْعَدَاوَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ التَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَاللَّقَبِ ما يشعر بالمدح أو الذم فإن كان يشعر بالمدح فلا بأس به وإن كان يشعر بالذم فلا يجوز فالأصل في المسلم أن لا يلقب أخيه بما يشعر بالذم ومثله تلقيب الجماعات كأن يلقب جماعة من المسلمين بما يشعر بالذم حتى وإن كان على خلاف معها فالأصل في المسلم أن يرد الخلاف للحق قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني التنابز بالألقاب ثم قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يعني حصر الظلم فيهم لشدة ظلمهم أي إن الذين لا يزالون هذا دأبهم هم الظالمون. Donc parmi les choses également qui créent qui attisent l'animosité entre les musulmans, le fait de se lancer des sobriquets injurieux ou des sobriquets dans lesquels il y a un blâme ou une critique ou une attaque ou une insulte. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans sourate Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab, c'est-à-dire ne vous lancez pas des sobriquets injurieux. Et des sobriquets, c'est quoi? C'est des surnoms, qui sont des surnoms pour dénigrer ou rabaisser. Donc le sobriquet, ou en arabe qu'est-ce qu'on appelle al-laqab, ça peut avoir un sens qui est un sens pour glorifier quelqu'un, ou ça peut aussi être pour blâmer quelqu'un ou pour critiquer quelqu'un, hein? Donc si tu l'utilises pour blâmer et dans une caractéristique que tu mentionnes à propos d'une personne et que c'est quelque chose d'injurieux ou de rabaissant ou de blessant ou d'insultant, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Hein, c'est pas permis de l'utiliser, ce sobriquet. D'accord? Et la même chose, le cheikh il dit la même chose pour les groupes. Si tu appelles un groupe par un surnom, tu dois pas utiliser des surnoms injurieux, même si tu as un conflit avec eux, parce que le musulman, il ramène les divergences à la vérité. Hein, il réfute par la vérité. Et il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. C'est-à-dire, si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. C'est-à-dire la divergence. Ramenez-le au Coran et à la Sunna, hein, pour trouver la réponse qui va trancher entre vous dans votre divergence. Et le cheikh, il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit bi'sal ism al-fusuq ba'da al-iman, hein, comme est mauvais le nom de la perversité après la foi. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça ici, par la perversité? C'est-à-dire les sobriquets injurieux, Hein, donc tu ne dois pas utiliser des sobriquets injurieux. Une fois que tu es musulman et que tu sais que c'est ton frère il est musulman et que tu vas utiliser des sobriquets injurieux pour le qualifier ou pour l'appeler, eh bien c'est quelque chose qui est mauvais, yani c'est quelque chose qui est interdit. Et il dit, celui qui ne se repent pas, c'est-à-dire qui ne cesse pas d'agir de cette manière et qui ne se repent pas, alors ceux-là sont les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la façon dont il dit la chose dans le verset, humul zalimun, c'est comme si il avait restreint l'injustice à ce groupe-là en particulier en voulant dire comme si c'était seulement eux qui étaient les injustes, et c'est pour dire que ces gens-là, leur injustice était tellement sévère que yani, c'était comme si c'était eux qui étaient les injustes seulement. Hein? Parce que c'est leur habitude d'agir comme ça et c'est leur manière. Donc ça c'est quelque chose qui est blâmable et Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran. Ensuite le cheikh il dit, ثم إنه قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالأصل في المسلم العدالة فلا يجوز أن يسيء الظن أو يساء الظن به فتجنب الكثير من الظن حتى لا تقع في الظن الآثم. Donc le cheikh il explique ensuite que dans le verset 12, le verset qui vient après dans surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions. Et il dit, car certaines suspicions font partie du péché. Et donc il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, prenez garde à la suspicion, car la suspicion est la parole la plus mensongère. C'est-à-dire d'avoir des soupçons non fondés à propos des gens et de penser d'eux du mal, hein, et de les soupçonner sans preuve, hein, et de penser que yani, tu penses d'eux du mal sans raison. Alors la base chez le musulman, c'est que hein, il doit être considéré comme étant quelqu'un d'honnête et juste. Il n'est pas permis de penser mal du musulman. Alors écarte-toi de beaucoup de mauvaises suspicions, de mauvaises pensées, yani, pour pas justement que tu tombes dans les pensées qui amènent au péché ou qui font partie des péchés. Et à ce sujet, yani, il y a des détails que les ulama ont mentionnés, qui ont spécifié des choses plus spécifiques par rapport à cette question-là, au sujet des suspicions, ou plutôt comme qu'est-ce qu'on appelle husnudhan en arabe, c'est-à-dire de penser du bien de ton frère musulman. Et le cheikh ici il dit que la base chez le musulman c'est al-adala, c'est-à-dire le fait que le musulman soit quelqu'un de considéré comme quelqu'un de fiable. Et cette parole-là, certains ulama, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres ulama, ont mentionné que c'est pas de façon absolue. Pourquoi? Parce que là-bas, chez le musulman, c'est pas nécessairement honnête. Parce que quand tu connais pas quelqu'un, tu vois un musulman pour la première fois et que tu le connais pas, yani, tu sais pas s'il est honnête ou non, jusqu'à ce qu'il y ait des témoins ou quelqu'un qui peut mentionner ou clarifier que cette personne-là est honnête. Mais si tu connais pas quelqu'un et tu sais pas qui il est, tu peux pas savoir si cette personne est honnête ou non. Et c'est pour ça que il y a des ulama qui ont dit là-bas chez les musulmans, c'est pas qu'il est nécessairement honnête, mais si tu le connais pas aussi, tu sais pas qui il est. La base, c'est que yani, l'être humain, en général, il est injuste et il est ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans certains versets dans le Coran. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. L'être humain est injuste et ignorant. Et il y a aussi la question de Adhan. Il y a un texte que j'avais traduit, une réponse à une question de Cheikh Zayd al-Madkhali à ce sujet, et puis je vais vous la lire. Cheikh Zayd al-Madkhali al-Dhan, la question c'était à propos des pensées qu'on a sur quelqu'un. Par exemple, est-ce qu'on doit donner à un musulman le bénéfice du doute, hein? Quand est-ce qu'on doit donner aux musulmans le bénéfice du doute? Et le Cheikh Zayd, il a répondu à cette question d'une manière vraiment bénéfique, et il a clarifié en fait que c'est pas de façon absolue qu'on doit donner aux musulmans le bénéfice du doute, mais il y a des règles à suivre à ce sujet-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous lire la question et la réponse que le Cheikh Zayd a donnée à ce sujet-là pour que ce soit plus clair. Donc on a posé la question à Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. Donner à la parole de quelqu'un un bon sens est devenu une excuse que plusieurs utilisent. C'est-à-dire, si quelqu'un dit une parole qui est ambiguë ou qui peut avoir un sens positif ou un sens négatif, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne à sa parole le sens qui est positif, ou bien on se méfie de la personne? Et le cheikh, il dit, notre question est, quelle est la règle à suivre quant au fait de prendre les paroles de quelqu'un dans un bon sens? Devons-nous faire une distinction entre l'individu qui est sunni, salafi et les autres à ce sujet? Donc ça, c'est important. Le cheikh, il a répondu, après avoir mentionné la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et la paix et le salut sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, la parole que nous devons prendre dans le bon sens est la personne à qui nous devons donner le bénéfice du doute est celle qui vient des gens de science islamique et qui suivent la bonne voie du Coran et de la Sunna selon la bonne compréhension, et qui s'accrochent et mordent fermement dedans avec leurs molaires, et qui les défendent avec ce que Allah leur a donné comme capacité dans la connaissance et comme sagesse dans la da'wah. Ceux-là, lorsqu'on trouve dans leurs paroles ou dans une partie de leurs paroles quelque chose qui peut à la fois impliquer quelque chose d'acceptable et quelque chose d'inacceptable, alors dans ce cas, il faut la prendre dans le bon sens et donner à cette personne le bénéfice du doute, tout en faisant tout ce qui est en notre capacité pour clarifier l'affaire et pour que cette parole soit expliquée de façon détaillée, pour qu'il ne reste plus de confusion pour les gens. Car la vérité est une chose unique qui ne se divise pas, et pour cette catégorie de personnes, que ce soit des groupes ou des individus, hein, ou bien des hommes ou des femmes, la parole d'Allah s'applique. Ô vous qui avez cru, évitez beaucoup de soupçons. C'est-à-dire évitez beaucoup de soupçons et allez sur autrui, car une partie des soupçons est péché. Et la suspicion avonne. Et en ce qui concerne ceux qui sont atteints par la maladie de l'ignorance, des doutes, c'est-à-dire les shubuhat et les désirs, les shahawat, lorsque l'un d'entre eux dit quelque chose qui fait du tort à l'islam et aux musulmans, parmi les bid'ah égarantes et les erreurs qui sont les résultats des passions qu'une personne suit, ou parce qu'elle est éblouie par sa propre opinion, ou parce qu'elle ne suit ou parce qu'elle suit une méthodologie dans laquelle il y a plus de fautes que de positions valables, et donc le plus grand et dont le mal est plus grand que le bien, et dont l'égarement est plus apparent que la guidance, dans le cas d'individus de ce genre, il ne faut pas leur donner le bénéfice du doute, ni chercher à les excuser dans leurs erreurs, dans ce qu'ils ont écrit avec leurs plumes ou dans ce qu'ils ont diffusé et fait parvenir aux oreilles et au cœur des gens, pour leur mettre une fitna dans leur religion et amener du mal aux musulmans et à leurs enfants. Parmi ceux-là, il y a beaucoup à notre époque qui opposent la vérité, al-jama'a, sur plusieurs questions reliées à la aqida et à l'adoration et à la science et dans la méthodologie de la da'wah et du jihad et de la réforme, comme les gens qui font partie des organisations qui veulent détruire l'islam les sectes qui sont dans l'erreur, les programmes et les idéologies déviantes et les tendances partisanes, comme qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-hizbiyya, hein, qui contredisent le manhaj de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, qui sont les salafus salih, c'est-à-dire qui contredisent les salafus salih, ainsi que ceux qui contredisent les salafus salih, ainsi que ceux qui les suivent. À partir de cette présentation résumée, la distinction entre le sunni salafi et l'innovateur, le bid'i khalafi, sera apparente pour le questionneur. Et les paroles ambiguës qu'on entend à notre époque de la part de ceux qui sont à la tête des groupes de passion et de bid'a, et de la part de ceux qui les suivent aveuglément, ne sont que des paroles d'ignorance et de ruse, parce qu'ils utilisent ces paroles pour justifier ce que leurs théoriciens et leurs directeurs diffusent, et qui contient des choses qui détruisent certaines sunnas, ou certaines formes de la sunna, et qui sont reliées à la clarification de la aqida salafia correcte et à la méthodologie scientifique islamique pour les remplacer par la bid'a égarée et égarante. Comme lorsqu'il dit aux gens de la vérité, ayez une bonne pensée à propos de vos frères. Ils veulent dire par ceci les frères hizbiyin, c'est-à-dire ceux qui sont sur la hizbiya, qui suivent les bid'a, qui sont tous organisés en groupe contre les savants salafis et qui réfutent au groupe leur pluralisme et leur division. Ils veulent dire par ceci les frères hizbiyin qui sont tous organisés en groupe contre les savants salafis qui ont réfuté et qui réfutent au groupe leur pluralisme, leur division et le fait de s'accrocher à des méthodologies qu'ils ont pris des kuffars et qui sont en opposition avec plusieurs des principes fondamentaux du manhaj des salafs. Ils disent au sujet de leur chef, lorsqu'ils diffusent des innovations, ce sont des mujtahidoun, celui d'entre eux qui a raison a deux récompenses, tandis que celui d'entre eux qui a tort a une seule récompense et il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et il mentionne comme preuve de cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le juge fait un ijtihad et qu'il a raison, il a deux récompenses, mais s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, alors il n'a qu'une seule récompense et son erreur lui est pardonnée. Et il n'échappe pas à ceux qui ont une bonne compréhension de la religion que leur utilisation de ce texte comme preuve pour justifier les bid'a, les gens de bid'a et les erreurs des gens de l'erreur, n'est pas à sa place, car ce texte concerne uniquement ceux qui font réellement partie des gens de l'ijtihad et qui font partie de ceux qui se désavouent sincèrement des passions, des gens de la passion et de la bid'a. En ce qui concerne celui qui n'entre pas dans cette description, alors il ne doit pas être classé parmi les savants mujtahidin, ceux qui ont une grande part des sciences du Coran et de la Sunna selon la compréhension correcte, qui sont sur l'application pratique de cette connaissance dans leurs paroles et dans leurs actions, que ce soit dans ce qui est caché ou apparent, intérieur ou extérieur, et Allah sait mieux. Et ça, c'est tiré du livre Al-Iqdul Munaddadul Jadid. C'est le volume 1 à la page 69, de la page 69 à la page 69. De la page 67 à la page 69. Donc, ayant dit ça, ça clarifie un peu l'attitude et la distinction qu'on fait donc par rapport à ce sujet entre les gens de la bid'a et les gens de la sunna. D'accord? Donc, si quelqu'un est sur la bid'a, on doit se méfier, on doit faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait pour éviter justement le mal qu'il peut. Qu'il peut propager. Ensuite, le cheikh dit ensuite, ثم إنه سبحانه قال ولا تجسسوا أي لا تتبع عورات إخوانك بل اغفل عنها كما نهى كذلك عن الغيبة فقال ولا يغتب بعضكم بعضا والغيبة ذكرك أخاك بما يكره فلا تتحدث عنه في المجالس، فإن رأيت منه شيئا يسوءك فناصحه، وإلا فقد شبه الله فعل من ارتكب هذا الإثم بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، ثم إنه سبحانه أرجعهم إلى الأصل، فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل، لأنهم آدميون، العربي والأعجمي والأبيض والأسود. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشعوب للعجم والقبائل للعرب، من أجل التعارف، لكي تعرف أنك من القبيلة الفلانية، لا للتفاخر. فتعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل هذا لا بأس به، أما إذا كان ذلك من أجل التفاخر بالأنساب فهذا حرام، لأنه من أمور الجاهلية. الشيخ الذي que tu dois pas non plus espionner ton frère et chercher les défauts de tes frères, les choses cachées. Tu vas les espionner pour essayer de découvrir leurs fautes, leurs péchés, leurs défauts. Ça, c'est pas permis. Hein? Tu n'as pas le droit de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également interdit la médisance et de parler dans le dos des gens, de les critiquer dans leur dos. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-riba. Et le cheikh, il a dit, c'est de mentionner. Al-riba, ça veut dire de mentionner ton frère en son absence par qu'est-ce qu'il n'aime pas, que tu dises à son sujet ce qu'il n'aime pas. Donc, si tu parles dans un endroit où les gens sont réunis et tu mentionnes des choses à propos de ton frère et que tu vois que c'est quelque chose qui, que lui il n'aime pas que tu dises, hein, alors dans ce cas-là, tu as fait de la médisance contre lui et tu as parlé dans son dos. Et donc le cheikh il dit, plutôt que de parler dans son dos, s'il y a quelque chose que cette personne elle a fait quelque chose que toi tu n'aimes pas, hein, au lieu de parler dans son dos, au lieu de dire des choses dans son dos ou dans son absence, va voir cette personne directement et dis-lui en personne, directement, face à face, hein, le bon conseil, et explique-lui qu'est-ce que tu n'as pas aimé de qu'est-ce qu'elle a fait ou de qu'est-ce qu'elle a dit. Et donc par la suite, hein, elle va se corriger, ou bien elle va changer cette erreur qu'elle a faite, elle va se corriger, elle va changer son comportement, inshallah. Donc donne-lui le bon conseil, mais ne parle pas dans son dos et ne fais pas de médisance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le Coran la ressemblance, hein, entre celui qui fait de la médisance et l'a comparé à manger la chair de ton frère lorsqu'il est mort. Comme si quand tu parlais dans son dos, tu mangeais sa chair, hein, la chair de ton frère mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il les a ramenés à leur origine par rapport au fait qu'ils sont tous des fils d'Adam et qu'il n'y a pas de mérite à l'un sur l'autre. Sur ce point de vue-là, on est tous des êtres humains, des descendants d'Adam, qu'on soit arabe ou non arabe, qu'on soit blanc ou noir, on est tous des fils d'Adam, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh, vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, ou d'un homme et d'une femme, et nous vous avons fait, ou nous vous avons mis en nation et en tribu, pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc les peuples ou les nations, ça c'est pour les non-arabes, c'est eux qui sont divisés en peuples, tandis que les arabes, eux, sont divisés en tribus. Et le but de connaître ces tribus et de connaître ces peuples et de chercher les origines, nos origines, ça c'est quelque chose qui a pour but de se reconnaître et de se connaître les uns les autres, hein, et non pas dans le but de se vanter ou de se penser meilleur que les autres. Donc si on apprend notre généalogie et qu'on apprend nos liens de famille, de parenté, de tribu, on recule pour connaître nos ancêtres, et que le but de ça, c'est dans le but de se vanter ou d'être fier, hein, et de se penser meilleur que les autres, alors dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est blâmable, c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui fait partie des affaires de la jahiliya. Tandis que si c'est dans le but de s'entreconnaître les uns les autres et de savoir d'où on vient, de connaître notre origine, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème et c'est quelque chose de bien. Le cheikh il dit ensuite, ثم قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا فهذا دستور عظيم لو أن الأمة سارت عليه لذهب ما بينها من الحزازيات والخلافات. Donc le cheikh dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit que le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit dans un hadith qui est rapporté dans la musnad de l'imam Ahmad, dans une khutbah qu'il a donnée, il a dit: et il n'y a pas de mérite à l'arabe sur le nom arabe, et à l'arabe et au nom arabe sur l'arabe, et il n'y a pas de mérite au rouge sur le noir, et il n'y a pas de mérite au noir sur le rouge, excepté par la piété, excepté par la piété. Et ça c'est tiré du verset dans sourate al-Hujurat: inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux. Et donc ça c'est la règle de base, un grand principe de l'islam. Et si la Ummah suivait ça, eh bien tous les différends et les divergences seraient éliminés entre les musulmans. De même que le cheikh il dit: wa amma qawluhu ta'ala wa adhillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin awwal al-ayah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهذا كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقوله في هذه الآية يحبهم يعني فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب من هو يحب أن الله سبحانه وتعالى يحب فهو يحب المؤمنين والمحسنين والمتطهرين وهم يحبون الله حبا شديدا لا تعدل محبته في قلوبهم شيئا من الأشياء وهذا أعظم أنواع العبادات لأن العبادة في الأصل مبنية على المحبة قال ابن القيم قال الإمام ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وهذا فيه الولاء لله والبراء مما سواه والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. Donc le cheikh il dit ensuite que le verset suivant qui a été mentionné, le verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans que les croyants sont humbles et modeste envers les croyants, et fort et puissant envers les mécréants. Le premier verset, ou le début du verset en question, dans le verset 54, au complet, donc quand on le lit, ça dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, nous allons faire, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir un peuple que Allah aime, et qui aime Allah, qui sont humbles envers les croyants et qui sont forts et puissants envers les mécréants. Et donc ça c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset, comme le verset 38. Le verset 38 dans surat Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et si vous vous détournez, il vous échangera pour un autre peuple. Et si vous vous détournez, il vous échangera pour un autre peuple, puis vous ne serez pas, puis ils ne seront pas comme vous. Si vous vous détournez, il vous échangera pour un autre peuple, et ils ne seront pas comme vous. Et yani, le cheikh il dit ensuite que dans le verset à propos de la description des croyants, ou vous qui avez cru, il dit yani, que si vous revenez sur votre religion, si vous apostasiez, vous laissez tomber votre religion, c'est-à-dire vous quittez l'islam, donc ou vous qui avez cru, si vous quittez l'islam, hein, celui d'entre vous qui délaisse sa religion, eh bien, ça ne fait pas, ça va pas faire du tort à Allah. Pourquoi? Parce que si vous vous quittez l'islam, Allah il va ramener d'autres croyants, d'autres personnes qui aiment Allah. Hein, Allah les aime et eux ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yuhibbuhum, Allah les aime, ou yuhibbunahu, et eux ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils seront humbles envers les croyants et durs et puissants envers les mécréants. Donc ça c'est ici yani, l'explication du cheikh. Il dit il les aime, Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, donc c'est la preuve que Allah il a l'attribut de l'amour et qu'il aime, hein, il aime les croyants, il aime les bienfaisants, il aime les gens qui se purifient constamment. Et eux, ils aiment Allah également, d'un amour très fort. Hein? Et cet amour que les croyants ont dans leur cœur, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas, il n'y a rien qui est égal à cet amour-là pour eux dans leur cœur. C'est-à-dire que les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. Hein? Et il dit que ça c'est l'amour, hein? L'amour du croyant pour Allah, c'est une forme d'adoration, ça fait partie des adorations du cœur, et c'est une des plus grandes formes d'adoration qui soit, et c'est même là-dessus, c'est-à-dire sur l'amour d'Allah, qu'est fondé tout le reste des adorations, tout le reste de la religion. Donc le pôle autour duquel toute l'adoration du serviteur tourne, c'est l'amour. L'amour et la crainte, hein, ce sont les deux choses. Hein. Il dit wa ibadur rahman ghayatu hubbihi ma'a dhullihi, ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Donc le fait de craindre, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de s'humilier, hein, de se faire petit devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est les deux bases de l'adoration, et c'est autour de ces deux principes là que tourne tout le reste de l'adoration. Et donc ça c'est important, parce que l'amour d'Allah ça fait partie des fondements de la foi, comme le principe qu'on appelle al-wala wal-bara, c'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, d'aimer les croyants et de détester les mécréants. Donc ça c'est un principe fondamental de la foi islamique. Ensuite le cheikh il dit والصحيح وفي الصحيح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل ولكن أخوة الإسلام أفضل وعن أبي موسى مرفوعا رضي الله عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أخرجاه. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cité ici deux hadiths. Le premier hadith qui est rapporté par Al-Bukhari hein, qui est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, de même que rapporté par Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je devais prendre un ami proche parmi ma umma, un khalil, un bon compagnon, ou un ami exclusif dans ma umma, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil, mais la fraternité de l'islam est meilleure. Le cheikh il mentionne un autre hadith aussi, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi selon Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu, et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le musulman par rapport à un autre musulman, c'est comme un mur, c'est comme une construction qui sera fermée et qui se renforcit les uns les autres, comme des briques dans un mur. Chaque brique solidifie l'autre et supporte l'autre. Donc c'est comme ça que les croyants sont. Et quand il a mentionné ça, il a rentré ses doigts les uns dans les autres, entrelacé ses doigts pour montrer que yani, les croyants ils sont comme ça. Donc ils se tiennent les uns les autres et yani, ils se supportent les uns les autres. Ça c'est l'exemple des croyants. Et il a dit ensuite, voilà où Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Et il explique, il dit: wa hadha al-kalam qalahu sallallahu alayhi wa sallam fil ayyam al-akhira min hayatihi. Wa ma'na al-khalil alladhi nala a'la darajat al-mahabba. Wa Abu Bakr radiyallahu anhu huwa afdal al-umma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa alladhi nasarahu min awwal bi'thatihi إلى أن توفي رضي الله عنه واستمر بعد ذلك على تمسكه بمنهج النبوة حيث قمع المرتدين فمواقفه وثباته ثبات الجبال الراسيات وقد أحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لأن النخلة لا تقبل الاشتراك فلذلك لم يتخذ الله خليلا وقال ولكن أخوة الإسلام وهذه منقبة عظيمة وهذا محل الشاهد من الحديث أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة متحابين متآلفين. Donc le cheikh il dit que dans ces paroles, dans ces hadiths là, on voit que يعني, ces paroles sont des paroles qui ont été mentionnées à la fin de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la signification du terme al-khalil, c'est celui qui atteint les plus hauts degrés de l'amour. Les plus hauts degrés de l'amour. Et donc Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le meilleur de cette ummah et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a supporté depuis le début de sa prophétie, et qui est resté ferme jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est resté et qui a continué comme cela même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a combattu les apostats après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ses positions et sa fermeté sont des choses qui sont connues, et il a été ferme comme les montagnes, les montagnes. Donc il a été vraiment solide dans ses positions, il a défendu l'islam avec beaucoup de fermeté radiyallahu anhu. Et donc il a dit: si je devais prendre un khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil. Donc c'est pour dire que Abu Bakr il a un mérite hein, il a un mérite dans l'islam. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un hadith rapporté par l'imam muslim selon Jundub al-Bajali, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme Khalil, comme il avait pris Ibrahim comme Khalil. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un Khalil lui aussi d'Allah, est un Khalil d'Allah, comme Ibrahim alayhi salam est un Khalil d'Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui est très, très forte, comme il a aimé Ibrahim alayhi salam. Et donc il dit, donc si l'attakhadha Abu Bakr Khalilan walakin ukhuwata l'islam, أن الخلة لا تقبل الاشتراك. Donc il aurait pris Ibrahim comme Khalil, sauf qu'il est le Khalil d'Allah, donc il ne peut pas avoir une khulla qui est partagée, parce que al-khulla c'est une sorte d'amour qui est exclusive, qui ne se partage pas, et donc il ne peut pas la donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pris de Khalil parmi les êtres humains. D'accord? Mais il a dit, mais la foi, la fraternité de la foi, c'est déjà quelque chose de grand. Hein? C'est déjà quelque chose de suffisant pour les hommes. Et donc, c'est ça qu'on voulait établir dans ce hadith. Hein? La fraternité de l'islam. Puisque les musulmans, quand ils sont croyants, ça implique qu'ils doivent être des frères les uns avec les autres et qu'ils doivent s'aimer. Et qu'est-ce qui est triste à notre époque, et peut-être que ça existait aussi depuis longtemps, mais on le voit à notre époque en particulier, que des gens, par exemple, musulmans, quand ils ne se connaissent pas, ils se saluent pas. S'ils marchent dans la rue, par exemple, tu marches dans la rue et il y a des musulmans qui sont d'un pays, ils vont saluer des gens qu'ils rencontrent si c'est des gens du même pays qu'eux. Mais s'ils voient des musulmans qui viennent de pays autres, ils ne leur donnent pas le salam, ou bien ils ne vont pas leur adresser la parole, ou ils ne vont pas sentir cette fraternité avec eux. Ils sentent uniquement la fraternité avec les gens qui sont de la même origine qu'eux ou du même pays d'origine qu'eux. Et ça, c'est pas correct. Hein? Parce que tous les croyants doivent être comme des frères, peu importe leur origine. Et le cheikh il dit, وقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يعني أن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم ويكمل بعضهم بعضا فالبناء يتكون من اللبنات فإذا ترابطت اللبنات ترابطا كاملا اشتد البنيان وإذا اختلت اللبنات اختل البنيان وكذلك المؤمنون حينما يجتمعون ويترابطون ويعين بعضهم بعضا تكون لهم القوة والمنعة وتقوم دولتهم ولا يطمع فيهم عدو. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment ça va, Islam? Barakallahu fik. Le cheikh il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il dit ensuite que les croyants sont comme une construction, comme un mur, hein, les uns pour les autres. Ça veut dire que les croyants, ils doivent collaborer ensemble et s'entraider ensemble, et ils doivent se compléter les uns les autres, comme une construction est composée de briques. Et lorsque les briques sont bien posées les unes avec les autres, elles se tiennent les unes les autres et ça devient quelque chose de solide, quelque chose de ferme. Tandis que si les briques sont mal posées et qu'elles ne sont pas serrées les unes avec les autres, eh bien le mur va être faible. Le mur va être faible et il ne va pas se tenir bien. Et donc c'est la même chose pour les croyants, lorsqu'ils sont réunis et qu'ils sont reliés ensemble et qu'ils s'aident les uns les autres, eh bien ils ont une force, hein? Ils ont une force, ils ont une capacité d'agir, ils sont capables de faire quelque chose et leur pays également devient fort. Et donc les ennemis ne peuvent pas par la suite souhaiter ou essayer hein, de profiter des musulmans parce que les musulmans sont forts ensemble et ils se défendent et se tiennent les uns les autres. ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا مثل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur miséricorde les uns pour les autres, dans leur amour les uns pour les autres et dans leur affection qu'ils ont les uns pour les autres sont semblables à un seul corps. Lorsque un des membres du corps se plaint hein, d'une douleur ou de quelque chose, eh bien tout le reste du corps hein, reste éveillé avec la fièvre. C'est pas juste la douleur à une place et c'est fini. Hein? Non, tout le corps ressent cette douleur-là et tout le corps ressent la fièvre et tout le corps reste éveillé toute la nuit hein, à cause de la douleur. Donc le corps, les musulmans, ils doivent être comme un seul corps, comme ça. Le cheikh il explique ça, cheikh Al-Fawzan, il dit وَقَوْلُهُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مِثَالٌ آخَرَ ضَرَبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فقوله في توادهم أي في محبة بين بعضهم لبعض في محبة لبعض بعضهم لبعض وتراحمهم أي في رحمة بعضهم لبعض كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو بأن أصيب بمرض أو سقم فإن الجسد كله يشتكي مع أن عضوا واحدا منه هو الذي أصابه المرض كذلك المؤمنون كذلك المؤمنون إذا اشتكى منهم مؤمن واحد فإن كل المؤمنين يتأثرون لشكوى أخيهم وهذا مثل بليغ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين فيما بينهم فهم يتألمون جميعا إن أصاب أحدهم مصيبة إن أصاب أحدهم مصيبة لأن الذي يفرح لمصاب أخيه يكون هذا نقصا في دينه وهذا هو شأن المنافقين الذين يفرحون لمصاب المسلمين فلا يكفي المسلم أن يحزن لأخيه إن أصابه شيء فحسب بل لا بد من السعي في إزاله أو في إزالة سبب إصابته فإن كان المرض في بدنه يرقيه الرقية الشرعية ويعالجه عند الأطباء إن كان فقيرا وإن كان فقيرا واساه بماله وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها صلى الله عليه وسلم في وحدة المسلمين واتفاقهم وتآلفهم وتعاونهم. Donc le cheikh il dit l'exemple des musulmans dans leur amour, dans leur miséricorde les uns pour les autres, c'est un exemple que le prophète صلى الله عليه وسلم a donné pour les croyants entre eux. Comment ils doivent être les uns les autres? Ils doivent s'aimer, c'est-à-dire ils doivent avoir de l'amour les uns pour les autres. وتراحمهم, ils doivent être miséricordieux les uns pour les autres, hein, avoir de la pitié pour les autres, penser vouloir du bien pour eux. Il dit, ils sont les musulmans, les croyants, les uns avec les autres, ils s'aiment et ils ont miséricorde les uns pour les autres. C'est comme yani un seul corps. Lorsque un membre du corps se plaint d'une maladie, hein, ou d'un malaise ou d'une douleur, hein, c'est ça qui arrive parce que le corps hein, il souffre et quand il y a un membre qui souffre hein, parce qu'il est frappé par une maladie ou par une blessure ou quelque chose, c'est tout le corps qui souffre avec. Et donc les croyants sont la même façon, sont la même chose. Les croyants sont pareils. Si tous les, s'il y a un croyant qui souffre ou qui a un problème, eh bien, ça devrait affecter tous les autres musulmans également. Tous les autres musulmans devaient ressentir la peine ou la douleur ou le problème que ce musulman ressent. Et il devrait se sentir concerné par qu'est-ce qui l'a touché. Et ressentir cela en eux-mêmes et vouloir l'aider. Et c'est un exemple touchant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour expliquer l'exemple des croyants, comment ils doivent être les uns avec les autres et comment ils doivent ressentir la douleur, même si la douleur ou même si la maladie ou le malaise c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, que ça a touché, mais ils se sentent concernés, ils se sentent touchés, ils se sentent affectés eux aussi. Donc ils ressentent la douleur, tous les musulmans ressentent la douleur lorsque, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsque un des musulmans est touché, tous les autres ressentent la douleur. Et celui qui se réjouit du malheur qui touche à son frère, quand son frère il a un problème ou un malheur, toi tu te réjouis de ça, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta foi, il y a un manque dans ta foi. Et ça, c'est l'état des hypocrites qui se réjouissent des malheurs qui touchent les musulmans. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut faire des efforts pour éliminer les causes de ce qui peut causer du tort et faire mal à ton frère. Quand il a une maladie, tu peux essayer de lui faire la ruqya pour essayer de le guérir selon la sharia, avec les versets de Coran, avec les du'as. Et tu l'amènes chez le médecin, et s'il est pauvre, tu l'aides, tu lui donnes de l'argent, comme ça il va pouvoir se traiter. Et ça, c'est des exemples parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il a mentionné ces exemples là pour montrer l'unité des musulmans et comment les musulmans les uns avec les autres ils s'aident, ils s'entraident et ils s'aiment les uns les autres. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله أو لا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا أشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Ça c'est un hadith qui est connu parmi les hadiths des 40 de Nawawi, dans lequel Abu Huraira il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne soyez pas jaloux les uns des autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne faites pas des enchères les uns sur les autres. Et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Et ne faites pas des ventes, ou des contrats de vente les uns par-dessus les autres. C'est-à-dire, si ton frère il a fait une vente ou il a fait un achat, puis toi tu viens pour essayer d'annuler sa vente en offrant un meilleur prix, des choses de ce genre. Tu fais pas ça à ton frère. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Et il a dit ensuite, la piété c'est ici. Et il a pointé trois fois vers sa poitrine. Et il a dit, il est suffisant comme mal pour un musulman du fait qu'il méprise son frère musulman. Donc c'est suffisant comme péché, comme mal, pour un musulman qu'il dénigre son frère musulman. Et qu'il le dénigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le considère comme s'il était rien, comme s'il le voit de haut, comme si lui il se pense élevé, puis il voit son frère comme si son frère il est petit, il est rien. Il le méprise. Donc ça c'est l'orgueil, l'arrogance. Donc ça c'est suffisant comme mal pour un musulman qu'il méprise son frère musulman. Et tout musulman est sacré pour son frère musulman. C'est-à-dire chaque musulman, il est sacré pour l'autre. Et son sang est sacré, et ses biens sont sacrés, et son honneur est sacré. Hein? Et le cheikh, il explique ce hadith, cheikh Al-Fawzan. Il explique ce hadith. Il dit وقوله ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا هذا حديث عظيم ومنهج قويم يسير عليه المسلمون كي يتجنبوا ما يضر مجتمعهم ويسعون بها ينفعهم بما ينفعهم فالمسلمون كالنفس الواحدة والبنيان الواحد. قوله ولا تحاسدوا الحسد داء قديم ومعناه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه بخلاف لو تمنى أن يكون له مثل مال أخيه من الخير فهذا غبطة وليس حسدا وهذا شيء طيب يؤجر عليه المسلم فتتمنى مثلا أن يكون لك مثل أخيك من المال كي تحسن مثله فيكون لك من الأجر مثله أما الحسد فهو يعني تمني زوال النعمة عن أخيك وأن تصير إليك وأول من حسد إبليس فقد حسد أبانا آدم عليه السلام فماذا جر عليه الحسد جر عليه الكفر فعصى أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم وجر عليه هذا الحسد كذلك غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وعقابه وصار قوادا لكل شر يدعو إلى النار والضلال والفسق وكل هذا بسبب الحسد ولو أنه سجد كما أمره الله عز وجل لما زالت عنه هذه النعمة ولما صار إلى هذا المصير. Donc, le cheikh il explique en commençant que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous faites pas des enchères les uns par-dessus les autres, c'est-à-dire les ventes aux enchères lorsque quelqu'un vient puis on dit bon, qui est-ce qui veut acheter cet objet à tel prix, par exemple 100$, puis l'autre il dit ok, moi je suis d'accord pour 100$. Toi, tu vois que lui, il dit 100$, tu dis 200$. Mais dans ton cœur, tu n'as pas l'intention de l'acheter. Tu veux juste faire monter le prix pour que lui, il paye plus cher. Dans ce cas-là, ça, c'est un péché. Parce que c'est ce qu'on appelle la tanajush. Ça, c'est pas permis. Hein? C'est pas permis de faire monter les enchères juste pour augmenter le prix seulement. Alors que tu n'as pas l'intention de l'acheter. Le cheikh, il dit donc, voilà, il mentionne ce hadith-là. Et il dit que ça c'est un hadith très important et que c'est une voie qui est droite pour les musulmans, que les musulmans doivent suivre pour s'écarter de ce qui est nuisible pour la société et pour amener, pour se précipiter vers ce qui est bénéfique pour les musulmans. Les musulmans sont comme une seule âme, un seul corps, une seule construction. Et la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en premier, c'est ne soyez pas jaloux les uns des autres. Et la jalousie, c'est de souhaiter que la grâce que Allah a donnée à quelqu'un, toi tu souhaites que Allah lui enlève pour qu'elle te soit donnée à toi. Hein? Donc ça c'est pas correct. Tandis que si tu vois que ton frère, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grâce, et que toi tu souhaites que Allah te donne la même pour que tu puisses faire le bien toi aussi comme lui. Comme par exemple si ton frère, tu vois qu'il a de l'argent, et qu'il est riche, et puis qu'il utilise de son argent pour faire du bien avec, et tu dis, oh, moi aussi j'aimerais que Allah me donne la richesse que ce frère-là a reçue, pour que je puisse moi aussi faire du bien avec. Ça, c'est pas la même chose que la jalousie, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ribta, et ça c'est pas blâmable, au contraire, c'est louable, parce que tu souhaites, que ton frère il continue à garder qu'est-ce qu'il a de bien et tu souhaites toi aussi pouvoir faire le bien et donc c'est quelque chose de bien dans ce cas-là. Toutefois, la jalousie c'est pas ça. La jalousie c'est de souhaiter que la grâce que ton frère a, elle lui soit enlevée et que elle te soit donnée à toi. Donc ça, c'est bien entendu quelque chose qui est blâmable et qui fait partie des grands péchés. On en a parlé, il y avait un chapitre même sur ça. Et le premier qui a été jaloux, c'est Iblis, le diable. Lorsqu'il a été jaloux de notre père Adam, alayhi salam, et à quoi la jalousie l'a amené? Ça l'a amené à la mécréance. Et il a désobéi l'ordre de son Seigneur lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Et ça, cette jalousie-là, ça l'a amené donc à tomber dans la colère d'Allah et dans son châtiment. Et donc il est devenu le guide de tout le mal, le chef de tous les gens qui appellent au mal et qui appellent à l'enfer et à l'égarement et à la perversité. Tout ça à cause de la jalousie. Tout ça à cause de la jalousie. S'il avait accepté de se prosterner comme Allah lui a ordonné, il n'aurait pas perdu cette grâce et il n'aurait pas eu la conclusion qu'il a eue. Ensuite, le Cheikh dit: وَلَقَدْ وَقَعَ التَّحَاسُدْ مِنْ بَنِي آدَمَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ في ذكر قصتهما فلقد حسد أحدهما الآخر فهدده بالقتل ثم قتله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كتل منها. Le Cheikh dit que la jalousie qui est arrivée entre les deux fils de Adam, Caïn et Abel, qu'est-ce qui est arrivé à cause de ça? Comme Allah il l'a mentionné dans le verset 27 dans Sourate Al-Ma'idah, ça les a amenés jusqu'à ce que l'un, à cause de sa jalousie, a tué l'autre. Il l'a menacé de le tuer, puis ensuite il l'a tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cause de ça que toute personne qui commet un meurtre par la suite, eh bien, le fils d'Adam qui a tué son frère, il a une part du péché. Parce qu'il est le premier qui a commis un meurtre sur terre. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il dit ensuite: وَكَذَلِكَ كَانَ الْحَسَدُ سَبَبًا لِكُفْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا حَسَدُوا نَبِيَّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَدُوا هَذِهِ الْأُمَّةِ على ما أعطاها الله من فضله وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فجحدوا رسالته وهم يعلمون أنه نبي فنالوا لعنة الله سبحانه وتعالى وغضبه بسبب هذا الحسد فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الحسد ولقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دب إليكم داء الحسد والبغضاء. Donc le cheikh dit que de même que la jalousie a été la cause de la mécréance des fils d'Israël qui ont été jaloux de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été jaloux de cette umma du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette umma sa grâce. Et donc, ils ont été jaloux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont renié son message alors qu'ils savent que c'est un prophète réel, mais ils ont reçu la malédiction et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur jalousie. Et donc, le musulman, il doit faire attention de façon complète vis-à-vis de la jalousie car c'est quelque chose de très dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une maladie qui rampe parmi vous qui est la maladie des nations de toutes les nations, c'est la jalousie et la haine. Il dit ensuite: وَقَوْلُهُ وَلَا تَبَارَضُ أي اجتنبوا الأشياء التي تسبب التبارض بينكم لأن الأصل في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض أن تكون قائمة على المحبة والمتبادلة على المحبة المتبادلة. Donc le cheikh dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous détestez pas les uns les autres, c'est-à-dire écartez-vous des choses qui pourraient être la cause de la haine et de l'animosité entre vous, parce que à la base la relation entre les croyants et les musulmans doit être basée sur l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et non pas sur sur la haine. وقوله ولا تناجشوا النجش هو الزيادة في صوم السلعة كأن تكون السلعة معروضة للبيع فيأتي ويزيد أحدهم في ثمنها وهو لا يريد شراءها إما للإضرار بالمشتري أو لنفع صاحب السلعة فهذا منهي عنه أما إن كان لك فيها رغبة زدت في ثمنها لتشتريها وتصير إليك فهذا لا شيء فيه ولكن إن لم يكن لك بها حاجة فلا يجوز لك أن تزيد في ثمنها وكذا إذا عرضت السلعة واتفق الموجودون على أن لا يزيدوا في السلعة ليتآمروا على البائع فيضطروا أن يبيعها بثمن بخس كان هذا من النجس المنهي النجش المنهي عنه. Il dit le cheikh l'exemple de التناجش, c'est comme on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il fait monter les enchères juste pour faire du tort à quelqu'un, même si, parce qu'il veut pas l'acheter vraiment la marchandise ou l'objet, mais il veut juste faire du tort à celui qui veut l'acheter en augmentant le prix. Donc si toi t'as envie vraiment de l'acheter, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas envie de l'acheter, cette marchandise, alors dans ce cas, ne fais pas monter le prix. Il donne aussi l'exemple où, dans une enchère, par exemple, quelqu'un vient pour vendre un produit ou vendre une marchandise. Puis les acheteurs, ils se mettent tous d'accord pour ne pas faire monter le prix plus haut que tel prix, pour faire du tort aux vendeurs. Ça aussi, ça rentre dans At-Tanajush. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est comme si les vendeurs avant d'aller à l'enchère, ils disent bon, s'ils vendent telle pièce ou tel morceau ou tel objet, on dépasse pas plus que $1,000 alors que l'objet coûte plus cher. Alors, ils font ça pour dire qu'ils veulent faire du tort aux vendeurs. Dans ce cas-là, ça c'est pas permis. Le cheikh il dit ensuite wala tadabaru, yani wala yu'rad ba'dukum an ba'din عند اللقاء بل تقابلوا بالسلام والبشاشة والمودة فإنك إن أعرضت عن أخيك تأثر وحصل في نفسه عليك شيء. Le cheikh il dit également ne vous tournez pas le dos les uns les autres, c'est-à-dire lorsque vous vous rencontrez ne vous écartez pas ou ne vous éloignez pas les uns des autres mais quand vous vous rencontrez plutôt dites-vous le salam avec le sourire, avec l'amour, parce que si tu te détournes de ton frère, eh bien ça va l'affecter en lui-même. Il dit wa qawluhu wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd. هذا من نفي الضرر على المسلم ومثاله ان يشتري بعضهم سلعة بثمن معين ويشترط ان له الخيار لمدة يوم او يومين ثم ياتي اخر فيقول للبائع افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر مما دفع لك المشتري الأول فهذا لا يجوز وكذلك من البيع على البيع أن يبيع رجل لرجل سلعة فيجيء بائع آخر فيقول له افسخ بيعك معه وأنا أبيعك بثمن أرخص فسواء كان بيعا على بيع أو شراء على شراء فهذا لا يجوز. Le cheikh il dit dans la vente aussi on n'a pas le droit de vendre sur la vente de quelqu'un ou d'acheter sur l'achat de quelqu'un. Par exemple quelqu'un il a acheté quelque chose et puis il l'a acheté à un prix et toi tu viens voir le vendeur puis tu dis écoute, annule la vente que tu as fait avec lui puis vends-le à moi je vais te payer plus. Ou bien l'achat c'est la même chose et la vente c'est la même chose. Quelqu'un par exemple il a vendu quelque chose à quelqu'un et toi tu vends toi aussi des choses, alors tu dis à la personne qui a acheté écoute, remets la chose que tu as acheté à la personne et viens l'acheter de moi je vais te le vendre moins cher que lui. Ça aussi c'est pas permis. Et il dit wa qawluhu wa kunu ibadallahi ikhwana. وهذا كما أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا إخوة فدل ذلك على أن تلك الأمور تنافي كمال الأخوة. Donc il dit et soyez des frères hein, soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Le cheikh il dit que ça c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne ici d'être des frères, hein, parce qu'on est des croyants. Et ça c'est la preuve que toutes les choses qu'on a mentionnées dans le hadith, hein, au début, c'est des choses qui viennent en contradiction et en opposition avec la perfection de la fraternité. Il dit وقوله المسلم أخو المسلم وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن يحتقر المسلم أخاه المسلم ولا يخذله لأن له عند الله مكانة فلا تحقر من كان له عند الله مكانة وإنما يجب نصرته ونصر المسلم لأخيه بأن لا يخذله إن كان قادرا على نصرته وينصر الظالم كذلك بأن يأخذ على يده فلا هو يظلم أخاه ولا يترك أحدا يظلمه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite, et le musulman est le frère du musulman. C'est-à-dire que du moment qu'on sait que le musulman est le frère du musulman, il n'est pas permis pour le musulman de mépriser son frère musulman ni de l'abandonner lorsqu'il a un problème ou lorsqu'il est opprimé. Parce que le musulman, il a un statut, il a une importance pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu n'as pas le droit de le mépriser. Et également, il est obligatoire pour toi de venir à son aide lorsqu'il est opprimé. Et tu ne dois pas l'abandonner alors que tu as la capacité de venir à son secours. Donc tu dois aider la personne qui est opprimée, de même que tu dois empêcher ton frère de faire de l'injustice si c'est lui le coupable de l'injustice. Donc si ton frère il est opprimé, tu ne dois pas le laisser dans son oppression ou dans son injustice qu'il subit. Et s'il est celui qui est injuste, eh bien tu ne dois pas non plus le laisser faire de l'injustice. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-taqwa hauna ay anna al-ibra bima fi al-qulub wa laysat bil-hay'at fal-qalb huwa mahattu nazari Allah. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم وأما المظاهر فلا عبرة بها. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم, يعني منظرهم جميل ولهم فصاحة في القول ولكنهم في الدرك الأسفل من النار وكذلك لفساد وذلك لفساد قلوبهم وذلك ولكن قد يغلط بعض الناس في هذا المعنى فتجده إذا ما نهي عن معصية كحلق لحية أو عدم التزام بسنة بادرك بالقول التقوى في القلب ويفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه. نعم المدار على القلب ولكن المعاصي تدل على أن القلب فيه فساد, فلو كان بالقلب تقيا لما ارتكبت المعصية. Donc le cheikh il explique ici que la piété c'est dans le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-taqwa hahuna. Et donc qu'est-ce qui est important, c'est les cœurs et non pas les apparences extérieures. Il dit que le cœur, c'est là où Allah regarde, comme il dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira, que Allah ne regarde pas vos images, vos apparences ou vos biens, mais il regarde vos actions et vos cœurs. Mais les apparences, yani c'est pas la chose qui est importante. L'exemple aussi du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des hypocrites dans le verset 4 dans sourate Al-Munafiqin, il dit quand tu les vois, leur apparence extérieure, leur corps, il t'éblouit, hein, ils ont une belle apparence. Et quand tu les entends parler, t'écoutes leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloquents, ils savent bien parler. Donc ils ont une belle apparence et ils sont éloquents, mais ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer à cause de la corruption qui est dans leur cœur. Et certaines personnes ont mal compris cette signification, et parfois tu les vois qu'ils font un péché qui est apparent, et quand tu leur mentionnes l'interdiction de faire ce péché-là, comme raser la barbe ou de ne pas pratiquer certains aspects de la sunna, ils te disent: mon frère, la piété c'est dans le cœur, c'est pas dans la barbe. Alors le cheikh il dit, il va te mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la piété c'est dans le cœur. Et donc il interprète la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui est contraire à sa vraie signification. Parce que c'est vrai que la piété, le centre de la piété c'est le cœur. Toutefois les péchés indiquent ce qu'il y a dans le cœur comme corruption. Et donc si la personne avait vraiment de la piété dans le cœur, eh bien elle se serait écartée de la désobéissance. Le cheikh Al-Fawzan il dit ensuite: wa qawluhu wa ashara ila sadrihi thalatha marrat. هذا من باب التأكيد على أن العبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بما في القلوب وأن القلب إذا كان تقيا ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوال وإن كان فاسدا ظهر ذلك على الأقوال والأفعال وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه من الشر وهذا فيه تحذير عظيم من ذلك فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل. Donc, le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit la piété est ici, il a pointé avec son doigt trois fois vers sa poitrine, et le cheikh Al-Fawzan il dit ça c'est pour confirmer qu'est-ce qui est important, c'est pas le plus important, c'est pas qu'est-ce qui est apparent, mais c'est qu'est-ce qui est dans le cœur. Et que si le cœur est basé sur la piété et qu'il a de la piété, cette piété va avoir un effet sur les paroles et sur les actions de la personne. Ce qui fait que si le cœur est corrompu, eh bien on va voir cette corruption également se manifester dans les paroles de la personne et dans ses actions aussi. Donc, il ne faut pas penser que quand on dit que la foi est dans le cœur, que ça veut dire que par rapport à nos actions et nos paroles, qu'il n'y a pas de relation entre les deux, qu'il n'y a pas de relation entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il n'y a pas de relation entre les paroles qu'on dit, les actions qu'on fait et la piété qui est dans notre cœur. Parce que si c'est le cas, si ce serait le cas, alors il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de sens à ça. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit la piété est ici, c'est-à-dire dans le cœur, c'est pour expliquer en fait que si, comme dans l'autre hadith en fait, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala wa inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça. Il a dit: il y a un morceau dans le corps. S'il est bon, tout le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais, corrompu, et ça c'est le cœur. Donc ça veut dire que si la piété est dans le cœur, ça va manifester par des paroles de piété et des actes de piété. Si le cœur, il y a de la corruption ou des péchés ou du désordre dedans, ou de la mécréance ou de l'hypocrisie, eh bien ça va se manifester aussi dans les paroles et dans les actions. Donc si quelqu'un fait des choses contraires à la foi et qu'il prétend avoir la foi, eh bien c'est quelque chose qui se contredit, c'est une contradiction. Et le cheikh il dit dans le hadith ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il est suffisant comme mal pour que le musulman méprise son frère. Ça, si le musulman il méprise son frère, c'est suffisant comme mal, c'est-à-dire ça lui suffit comme péché tellement que c'est grave. C'est-à-dire, s'il a seulement ça comme péché, c'est-à-dire, c'est suffisant comme mal. Et c'est pour dire que le musulman qui méprise les autres musulmans, alors il a méprisé ce que Allah aime et ce que Allah respecte. Et ça, c'est pas correct. Ensuite, il dit: وَقَوْلُهُ بِحَسْبِ مْرِئٍ أي حسبه وكافيه من صفات الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم. Donc ça lui suffit comme mauvaise caractéristique et comme comportement de mépris, comme comportement de bassesse, de mépriser son frère musulman. Il dit ensuite وقوله كل المسلم على المسلم حرام وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وقد قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه بارك الله فيك وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc le cheikh il dit que tout musulman est sacré pour un autre musulman, et ça a été mentionné de façon claire dans un autre hadith qui était le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés pour vous, de la même manière que ce jour, hein, ou bien plutôt de la même manière que ce jour est haram, c'est-à-dire que ce jour est sacré, que cette terre est sacrée et que ce mois est sacré. Donc c'était quel jour? Le jour de Arafat. C'était quel mois? Le mois de Dhul-Hijjah. Et c'était quel endroit? C'était Mecca. Donc ces endroits-là, cet endroit est un endroit sacré, ce mois est un mois sacré et ce jour est un jour sacré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit de la même manière que ça c'est sacré, eh bien vos sangs c'est sacré, vos biens c'est sacré, votre honneur c'est sacré, de la même manière. Et il dit وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَحِلُّ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman excepté pour une des trois causes suivantes: un homme qui a commis l'adultère, ou une femme qui a commis l'adultère alors qu'elle est mariée ou qu'elle a été mariée. Le deuxième, une personne qui a commis un meurtre, dans ce cas-là elle sera exécutée parce que c'est une vie pour une vie. Et la personne qui a délaissé la jama'a, qui s'est séparée de la jama'a et qui a abandonné sa religion, donc l'apostat et la personne qui se révolte contre le dirigeant, ceux-là, ça c'est les trois cas dans lesquels il est permis que le dirigeant applique la peine de mort sur un musulman. Hein? Et après il dit وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا. Donc en dehors de ces cas-là, celui qui tue un musulman, dans ce cas-là il a commis un meurtre, et le meurtre dans le Coran c'est interdit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des menaces sévères contre ce péché-là. Et il a dit quiconque tue un croyant volontairement, intentionnellement, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement, et Allah est en colère contre lui, et il aura sa malédiction, et Allah a préparé pour lui un châtiment immense. Il dit ensuite Walahuma, donc ça c'est un hadith encore que le cheikh a mentionné, ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Donc ça c'est un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne le livre pas à son ennemi. Et il dit le musulman il tient compte du besoin de son frère musulman et il s'occupe du besoin de son frère musulman. Il dit celui qui fait ça, Allah, il va s'occuper de son besoin. Celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah va s'occuper de son besoin. Celui qui a un malheur, un musulman qui est dans une situation difficile ou qui a un malheur et qui l'aide, Allah va le délivrer. d'un malheur plus grand au jour de la résurrection. Donc si tu délivres ton frère d'un malheur dans cette vie d'ici-bas, Allah il va te délivrer d'un malheur plus grand au jour de la résurrection. Et celui qui couvre un musulman, hein, lorsqu'il a fait quelque chose et il le couvre, hein, il n'expose pas devant tout le monde son erreur, Allah va le couvrir au jour de la résurrection. Le cheikh il explique ce hadith. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ibn Umar al-muslim wa akhul muslim la yadhlimu. هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في بعض الألفاظ ففيه التأكيد على أن المسلم أخو المسلم والإسلام يقتضي الأخوة الصادقة فقوله لا يظلمه يعني لا يقع منه في حق أخيه ظلم في نفسه وماله وعرضه وقوله لا يسلمه أو لا يسلمه يعني لا يتركه للظالم فلا ينصره. Donc le cheikh il dit que ce hadith là, il est semblable au hadith précédent, excepté qu'il y a des petites différences dans les termes qui sont employés, et ça c'est pour confirmer que le musulman il est le frère du musulman, et que l'islam implique la fraternité sincère entre les musulmans, et que le musulman il ne doit pas faire du tort à son frère et lui faire de l'injustice. Donc, yani, il ne doit pas lui faire de l'injustice. Ni dans sa personne, ni dans ses biens, ni dans son honneur. Et il ne le livre pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'abandonner à celui qui lui fait de l'injustice et le laisser sans lui venir en aide contre cette personne qui lui fait l'injustice. Wa qawluhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi hadha li anna al-jaza'a min jins al-amal fakama annaka sa'ayta fi qada'i hajati akhik المؤمن فإن الله سيجازيك بالإحسان إحسانا فهو سوف يقضي حاجتك. Donc le cheikh il dit, donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit au besoin de son frère, Allah va voir à son besoin, c'est-à-dire que la rétribution correspond à qu'est-ce que tu as fait comme action. Et donc si tu as aidé ton frère croyant, Allah va te récompenser en te faisant du bien. Et il va remplir ton besoin à toi aussi. Et il dit dans l'autre partie, وَقَوْلُهُ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْكُرْبَ يعني هي الشدة العظيمة والحاجة الشديدة كأن ينزل بالمؤمن شدة في أمر من الأمور كدين ها ركبه ولا يقدر على سداده ونحو ذلك وتنفيس الكرب إحسان وعليه فإن الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ويجازيه بالإحسان إحسانا ولا شك أن كربة يوم القيامة أعظم. Et le cheikh il dit, celui qui délivre un musulman d'un malheur ou d'une difficulté qu'il a dans cette vie d'ici-bas, Allah va le libérer d'un des malheurs du jour de la résurrection. Hein? Et donc, le cheikh explique que Al-Kurba en arabe, c'est la grande difficulté. Hein? La difficulté sévère. Et donc, comme par exemple quelqu'un qui est dans une situation très difficile, quelque chose qui lui est arrivé, ou bien par exemple une dette qu'il a à payer, quelque chose qui est très difficile, il n'est pas capable de la payer. Donc, toi tu viens puis tu lui donnes l'argent pour payer sa dette. Hein, tu lui facilites les choses, donc là tu lui as fait un bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va te délivrer également d'un mal qui t'attend au jour de la résurrection. Et il n'y a pas de doute que le mal ou la difficulté qui est au jour de la résurrection, c'est plus grave que la difficulté de cette vie d'ici-bas. Donc si tu délivres quelqu'un d'une difficulté dans cette vie, il va te délivrer d'un mal au jour de la résurrection, et ça c'est quelque chose de grand. Il dit wa qawluhu man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah kadhalika min haqq al-muslimi 'ala al-muslim an yasturahu idha ra'a minhu zallah fala yatakallamu 'anha fi al-majalis wa la yanshur dhalik fa in satara 'alayhi wa nasahahu فإن الله يستر عليه في الدنيا والآخرة وهذا فيه وجوب الستر على المؤمنين وعدم التشهير بهم. Donc le cheikh il dit que également lorsque ton frère il fait quelque chose de mal, hein, tu le couvres. Allah va te couvrir au jour de la résurrection. C'est lorsque un musulman, par exemple, tu vois de sa part une faute ou quelque chose qu'il fait, va pas en parler devant tout le monde et mentionner ça publiquement, mais tu le couvres et tu lui donnes le bon conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir au jour de la résurrection. Et il y a dans ça l'obligation de couvrir le croyant et de ne pas l'exposer publiquement et le diffamer. Naam. Excepté dans certains cas, par exemple, quand c'est un péché public, ou quelque chose qui a été fait en public, ou qui a été divulgué publiquement, ou bien dans le cas où c'est une personne qui est récidiviste dans le péché qu'elle fait. Donc, si tu vois que tu as donné la nasiha à la personne, tu l'as couverte, hein, pour que la personne, elle soit pas, que tout le monde soit au courant de son péché, tu lui dis, bon, crains Allah, hein, cesse de faire ça. Puis que tu vois que par la suite, elle continue à le faire, hein, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de mentionner ça pour avertir les gens de cette personne, à son sujet, hein. Comme les novateurs, comme les autres, les gens qui font de la corruption, du désordre, les gens qui font, par exemple, de la corruption, ou qui font du vol, hein. Tu vois, par exemple, des gens qui font des affaires avec des gens, ils se mettent à s'associer dans un business avec quelqu'un, puis après, il le trahit, il prend son argent et il disparaît avec l'argent. Hein? Donc toi tu dis, bon non, il faut couvrir le frère, il faut pas le dire à tout le monde, garde ça pour toi. Après il va le faire avec un autre et un autre et un autre et un autre. Non, il faut le couvrir. Non, quelqu'un comme ça il faut pas le couvrir, parce que si tu le couvres, tu l'aides pas. Tu le couvres dans le sens que le couvrir ça va l'aider dans sa religion, mais si le couvrir ça va lui faire plus de tort que de bien, dans ce cas là non. Dans ce cas-là, tu dois, hein, faire ce qui est le plus bénéfique pour lui, dans ce cas-là. Donc, le cheikh dit ensuite, Walahuma, il cite un autre hadith, et ça c'est les deux derniers hadiths, c'est des hadiths courts avec une petite explication, Inch'Allah, puis après on a terminé le livre. Le cheikh dit, Walahuma an Anas, radiyallahu anhu, مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné selon Anas radiyallahu anhu, et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein? Anas il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il a aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, et le cheikh il explique ça en disant que c'est une règle générale. هذه قاعدة عظيمة وهي أن ما ترضاه لنفسك فرضيه لأخيك وما لا ترضاه لنفسك فلا ترضيه لأخيك وفيه أن الإيمان أن إيمان المرء لا يكتمل حتى يحقق هذا المعنى. Donc le cheikh il explique que Anas il a mentionné ce hadith, et c'est une règle, une grande règle dans la religion. Que ce que tu aimes pour toi-même, alors aime-le pour ton frère. Ce que tu n'aimes pas pour toi-même, ne l'aime pas pour ton frère. Et il y a ici la preuve que la personne, sa foi ne sera pas complète tant qu'elle n'a pas réalisé cette signification-là. Hein? Et qu'est-ce que tu aimes pour toi-même? Il faut comprendre ça dans le sens par rapport à la religion, pas par rapport à qu'est-ce que tu aimes par rapport à tes passions. Hein? C'est comme par exemple quelqu'un il fume et il donne une cigarette à son ami, il dit tiens, hein? Je te donne une cigarette parce que je sais que t'as pas d'argent pour en acheter, donc je te fais une générosité. Non, ça c'est un péché que tu fais. Quand tu l'aides à fumer, tu es en train de l'aider dans le péché, donc ça t'es pas récompensé pour ça, t'es puni pour ça. Et c'est pas d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même du mal, c'est d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même du bien, hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Le cheikh il dit wa lil bukhari anhu وللبخاري عنه مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، والله أعلم. Donc le cheikh il termine ce livre avec ce hadith dans lequel il mentionne que l'imam al-Bukhari il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viens à la défense de ton frère, viens en aide de ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il soit l'opprimé. C'est-à-dire qu'il soit injuste ou qu'il soit yani celui qui subit l'injustice. Alors un homme a dit: ô messager d'Allah, comment je vais lui venir en aide alors que il est injuste, il fait de l'injustice, comment je vais venir à son aide, comment je vais le défendre dans l'injustice qu'il fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: tu l'aides en l'empêchant de faire l'injustice, tu l'aides en l'empêchant de faire de l'injustice, et ça ce sera ton aide pour lui. Wallahu ta'ala a'lam. Le cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit يعني قوله انصر اخاك ظالما او مظلوما المظلوم نصره بان تساعده وتدفع عنه الظلم ومن ذلك ان سمعت من يغتابه او يتكلم فيه فانك تذب عن عرضه وتمنع من يتكلم فيه واما نصر الظالم فيكون بان تمنعه من الظلم وتأخذ على يده فهذا نصرك إياه لأن هذا الظالم أخ لك فينبغي أن تحجزه وتمنعه عن إيقاع الظلم بالآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, ce hadith là en disant: ton frère qui est opprimé, tu l'aides en le défendant contre l'injustice que quelqu'un lui a fait. Si tu entends quelqu'un qui parle dans son dos ou qui parle contre lui, toi tu le défends dans son honneur et tu empêches la personne qui est en train de parler dans son dos de parler contre lui. En ce qui concerne d'aider l'opprimé, d'aider la personne qui fait l'injustice, c'est de l'empêcher de faire l'injustice. Donc tu tiens sa main, hein, tu le retiens de faire de l'injustice aux autres. Et c'est de cette façon-là que tu l'as aidé dans ce cas-là. Donc tu dois l'empêcher de faire du tort aux autres. Et ça, c'est ce qui vient compléter le livre de Kitab al-Kaba'ir. Donc, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette science qu'on a profité dans ce livre, yani qu'elle nous soit bénéfique au jour de la résurrection, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour qu'est-ce qu'on a appris dans ce livre, qu'est-ce qu'on a fait comme effort pour essayer de le comprendre et de participer à ces durus pour faciliter la compréhension de l'islam pour les musulmans. Puis yani que Allah subhanahu wa ta'ala le mette dans notre balance au jour de la résurrection, la balance de nos bonnes œuvres, et qu'il fasse que cette action soit sincère pour lui seul, pour son noble visage, et qu'il soit nettoyé et purifié de toute forme de shirk ou de riya. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a écrit ce livre, et le cheikh Saleh Al-Fawzan qui a écrit le sharh, ou qui a fait le sharh de ce livre. Et on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir et de récompenser notre frère Mohammed, hein, qui est au Maroc, qui est le frère qui nous a fait cadeau de ce livre et qui nous a donné le livre pour justement que on soit capable justement de faire les durus, parce que j'avais cherché le livre partout dans les maktabat, dans les librairies, et on l'a pas trouvé nulle part. On l'a cherché dans plusieurs maktabat en Arabie Saoudite, à Mecca, à Médine, je l'ai pas trouvé. Au Maroc, quand j'étais au Maroc, je suis allé dans plusieurs librairies j'ai cherché, j'ai pas trouvé le livre. Et le frère, il m'a dit, moi je l'ai à la maison, si tu le veux, je te le donne pour faire les durous avec. Et donc, alhamdulillah, jazahullahu khairan, et que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ça. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.